Lettre huitième. Éloquence de la chair, l'abbé Cœur, sermon à Saint-Roch, brillante assemblée, costume du jeune clergé. J'ai remarqué, depuis mon retour dans cette France si légère, une nouveauté qui m'a été fort agréable. C'est la considération qui s'attache à présent à l'éloquence du prédicateur. Les auteurs qui se livrent à l'étude de l'économie politique disent que le commerce parvient toujours à fournir, de chaque marchandise, une quantité proportionnée aux besoins de la population. Et je pense que c'est d'après ce principe que nous devons expliquer l'abondance actuelle d'un talent qui, il y a quelques années, existait à peine en France, et qu'on pourrait peut-être même lui refuser tout à fait si les pages brûlantes de Fénelon et celles de son adversaire Bossuet ne rendait impossible de commettre une pareille injustice. Il y a, je pense, à peu près 12 ans que je me suis donné quelques peines pour découvrir si des restes de cette glorieuse éloquence subsistaient encore à Paris. J'entendis à cette époque prêcher à Notre-Dame, à Saint-Roch, à Saint-Eustache, mais jamais recherche ne fut couronnée de moins de succès. Je ne trouvais pas le moindre talent dans les prédicateurs. Ils avaient l'air d'hommes grossiers et sans éducation. Je crois que cela était effectivement ainsi, et l'est encore dans beaucoup de cas. Les églises étaient à peu près vides, et le petit nombre de personnes qui se faisaient voir sous leurs magnifiques voûtes semblait appartenir à la dernière classe des vieilles femmes. Que le changement est grand aujourd'hui. Nulle part on n'est plus assuré de rencontrer une foule de personnes distinguées et d'une mise élégante que dans les principales églises de Paris. Et ne croyez pas que cette foule trompe l'œil sur son rang, par les apparences seules du luxe. Demandez le nom de celui qui s'agenouille à l'un de vos côtés avec tant de dévotion. Quelle est celle qui, de l'autre, tourne avec une attention aussi soutenue les pages de son paroissien? Et en réponse, votre oreille sera frappée des plus beaux noms dont la France s'honore. Quoique l'éloquence de la chair ait été pour moi un sujet d'intérêt et d'attention dans tous les temps et dans tous les pays que j'ai visités, j'osais à peine, en arrivant à Paris cette fois, renouveler mes questions à ce sujet, de peur qu'on ne m'adressât encore à quelques prédicateurs dont l'organe ne vaudrait pas mieux que les discours, et qu'en allant l'écouter, je ne me visse entouré des vieilles femmes sourdes et endormies dont se composeraient ces ouailles. Mais je n'ai pas tardé à apprendre, sans le demander, que les églises sont devenues aujourd'hui le lieu de réunion de tout ce qu'il y a à Paris de personnes jeunes, belles, bien nées et instruites. « Avez-vous entendu l'abbé Cœur ?» me demanda peu de jours après mon arrivée une personne qui n'eût pas voulu, pour tout au monde, être rangée parmi les rococos. Ma réponse et l'explication qui s'ensuivit me firent songer avec une véritable joie que nous allions entrer dans la Semaine Sainte, époque si catholique pour la prédication. Je résolus sur le champ de profiter de cette occasion pour entendre parfaitement, plaisir nouveau pour moi, un prédicateur à la mode à Paris. Je ne perdis pas de temps pour mettre mon projet à exécution. L'église Saint-Roch est, de tout Paris, celle que fréquente le plus la haute société. Là, nous étions sûrs d'entendre ce célèbre abbé Cœur, et je m'occupai sur le champ du soin de découvrir le jour et l'heure où il devait prêcher. En demandant ces renseignements à l'église, on nous dit qu'il serait nécessaire, si nous voulions avoir des chaises, de venir au moins une heure avant la grand-messe qui précédait le sermon. C'était là un avis un peu effrayant pour des hérétiques qui, d'ailleurs, n'avaient pas beaucoup de temps à perdre. Mais ma résolution était inébranlable et je me soumis, avec une petite partie de ma famille, à la condition qui m'était imposée de rester pendant une heure longue et silencieuse, immobile devant la chaire de Saint-Roch. La précaution était réellement nécessaire, car la presse était effroyable. Mais, pour nous consoler, la foule était toute composée des personnes les plus élégantes et après tout, le temps ne me parut pas trop long, puisque nous pûmes le passer à considérer les brillantes toilettes, les plumes ondoyantes et les fraîches fleurs qui ne cessaient de se serrer en rang de plus en plus pressés autour de nous. En effet, rien ne pouvait être plus beau que la collection de chapeaux, si ce n'est la collection d'yeux que l'on apercevait dessous. La proportion des femmes aux hommes nous parut être comme de 12 à 1. « Je voudrais savoir, » dit un jeune homme qui était assis près de moi, en s'adressant à une fort jolie femme, « Je voudrais savoir si par hasard monsieur l'abbé Cœur est jeune. » La dame ne répondit pas, mais fronça le sourcil d'un air d'indignation. Quelques minutes après, ses doutes, s'il en avait réellement eu sur ce sujet, furent dissipés. Un homme, dont la figure était loin d'être mâle, et qui n'était rien moins que vieux, monta en chaire, et sur le champ quelques milliers de beaux yeux se fixèrent sur lui, et la silencieuse et profonde attention qui demeurait comme suspendue à chacune de ses paroles, cette attention que pas le plus léger bruit étranger ne venait interrompre, prouvait clairement que son influence sur l'élégante et nombreuses assemblées qui l'entouraient devait être bien grande, ou son éloquence bien irrésistible. D'ailleurs, quoique d'une autre paroisse, je me rendis parfaitement compte de cette influence et de ce pouvoir, car il sentait réellement ce qu'il disait. Son organe, quoique faible et un peu criard, était distinct et son énonciation claire. Je ne perdis pas un mot de ce qu'il disait. Sa manière était simple, affectueuse et sincère, son langage plein de force, sans aucune violence. Il cherchait pourtant bien évidemment à toucher plutôt le cœur que l'esprit de ses auditeurs, et il réussit au gré de ses souhaits, car d'abondantes larmes coulèrent à ses paroles. Un grand nombre d'ecclésiastiques assistèrent à ce sermon. Ils étaient tous en grand costume et assis dans des places réservées en face de la chaire. Ils étaient par conséquent fort près de nous, et nous eûmes toutes les occasions que nous pouvions désirer de remarquer, même en eux, ce progrès de l'esprit humain qui opère en ce moment de si grandes merveilles sur la terre. Au lieu de la tonsure que l'employait autrefois, et qui inspirait une vénération involontaire, quand elle pénétrait jusqu'au centre d'une épaisse chevelure, dont le noir brillant ou le châtain plus doux annonçait une jeunesse qui ne craignait point de sacrifier la grâce à un sentiment de dévotion, au lieu de cette tonsure, nous apercevions des cheveux agréablement peignés et d'amples favoris entretenus avec le soin le plus minutieux, tandis que le capuchon pointu retombait derrière la riche et ondoyante chevelure qui couronnait cette jeune tête. L'effet de ce mélange est fort singulier. Mais nonobstant ce hardi abandon du costume ecclésiastique par le jeune clergé, il y avait dans la longue et double rangée de têtes serrées qui regardaient la chaire plusieurs fort belles études pour un artiste. Sur ses traits, on voyait clairement la trace des passions subjuguées par les années et par les pénitences. Aussi, des causes semblables produisent partout des effets pareils. Je crus reconnaître parmi les 20 prêtres de Saint-Roch en 1835 les originaux de plus d'une pieuse tête avec laquelle les peintres d'Italie, d'Espagne et de Flandre m'avaient familiarisé. Le contraste que présentaient les yeux enfoncés et l'expression sévère de plusieurs de ces fronts consacrés, avec l'élégance légère et aérienne des jolies femmes qui les environnaient, était très frappant, et se joignant à la lumière adoucie qui pénétrait dans le vaste et noble édifice, formait un spectacle vraiment pittoresque et touchant. Quand le sermon fut achevé, et pendant que la brillante assemblée s'écoulait par les diverses portes, comme autant de papillons courants au-devant du soleil, nous nous amusâmes à parcourir l'église. Elle est vaste et magnifique pour une simple église paroissiale, mais à l'exception de quelques-unes des chapelles, nous n'y trouvâmes pas beaucoup à admirer. Ce vieil ecclésiastique dont la vie fut si scandaleuse, l'abbé Dubois, a ici un beau tombeau, rapporté du musée des petits Augustins, et un médaillon en marbre, offrant la tête de l'immortel Corneille, immortel en dépit de Victor Hugo, en a aussi été rapporté et est placé contre une des larges colonnes de la nef. Nous nous arrêtâmes un peu plus longtemps dans une petite chapelle derrière l'autel. Je ne parle pas de celle du milieu, quoique la lumière rouge y soit fort artistement ménagée, mais de celle où se voit un calvaire sculpté. C'est, je crois, une des 12 stations qui se trouvent dans différentes parties de l'église. L'aspect sous lequel elle se présenta à nous, un grand effet de lumière accidentelle faisant ressortir la figure délicate de la Madeleine agenouillée et laissant le Sauveur dans l'ombre et le repos de la mort, sous cet aspect, dis-je, cette belle chapelle avait un charme qui, bravant toute critique artistique et enlevant toute faculté de juger, ne laissait que le pouvoir de sentir. Le maître-autel de Saint-Roch et l'espace qui l'entoure, sur lequel s'étend un riche tapis de pieds, sont remplis d'une prodigieuse abondance des fleurs les plus rares et les plus odorantes, dans des caisses et des vases. C'est la seule fois que je me rappelle d'avoir senti le parfum de ce bel et saint ornement se répandre dans toute l'église. Certes, il n'y a pas d'encens plus doux ni plus agréable à offrir sur un autel, et si ce n'était pour le gracieux mouvement de l'encensoir que l'on balance, et qui plaît particulièrement à mes yeux, je recommanderais à l'Église catholique d'épargner désormais les précieux baumes de l'Orient et d'offrir en place le parfum des fleurs. Comme nous allions quitter l'église, nous vîmes environ 150 enfants des deux sexes, entre 10 et 14 ans, s'assembler pour apprendre le catéchisme d'un jeune prêtre qui les reçut dans la chapelle de la Vierge. Sa manière était familière, aimable et caressante, et ses longs cheveux, retombant sur son cou, lui donnaient l'air d'un jeune Saint-Jean.